Emotional Productions. Tiens. Trop de level, papy. Tiens. J'crois qu'il y a un blème, négro. Tiens. Check d'assoun est dans les bails, soir ce mon gros. DJ Tai. Que du lourd. Yes. Sérieux, j'crois qu'il y a un blème. Tu le move, hein. Right B, prends le crow, même si t'es game over. Bill Météor, j'rappe en mode supernova. MC Land Rover, j'rappe en mode fauve. J'prends le chromie, tous les rageons, la tête chaude. Qu'est-ce tu parles, ton rap game pull moisi. J'rappe en mode leak, hein. Toi en sport loisir. Speed c'est aggravé, comme on rap, j'l'ai damé. Speed des jours au lendemain, comme Amara Diané. J'crois qu'il y a un blème, j'crois qu'il y a un blème. Qu'est-ce tu regardes, c'est quoi ton blème, gros? Ouais, gros, j'rappe ça sans l'attente, même en impro. Trop de level pour toi, mec, j'crois qu'il y a un blème, gros. J'crois qu'il y a un blème, j'crois qu'il y a un blème, gros. Qu'est-ce tu regardes, c'est quoi ton blème, gros? Ouais, gros, j'rappe ça sans l'attente, même en impro. Trop de level pour toi, mec, j'crois que y a un blème, gros. Ladies, tu kiffes mon flow, mon jeu de mots. J'en profite salement pour pécho ton numéro. Non, Right B n'est pas ce genre de blaireau. Right B, c'est un mec bien, super héros. Dans le game, dans les bails, des spies, j'ai pas le time. J'rappe pour l'amour du rap, rien à foutre du money time. J'freestyle sur beach balade, ma rime j'canarde. Les soirs devant M6 avec mon grec frites salade. J'suis un businessman, encore Guinness man. Trois albums au moins dans un négro, tu bzz bzz mal. J'pique salement, moi j'kick malement. C'est l'école qui te fera percer. Avec tes speech maman, Right B est trop darois. Fashion comme Marwan, chamac, rêve du VO de soleil dans mon hamac. MC Bap, tout Black Bird, basané. Caporal, Right B, check d'assoun ma base armée. J'crois qu'il y a un blème, j'crois qu'il y a un blème, pro. Qu'est-ce tu regardes, c'est quoi ton blème, gros? Ouais, gros, j'rappe ça sans l'attente, même en impro. Trop de level pour toi, mais j'crois qu'il y a un blème, pro. J'crois qu'il y a un blème, j'crois qu'il y a un blème, pro. Qu'est-ce tu regardes, c'est quoi ton blème, gros? Ouais, gros, j'rappe ça sans l'attente, même en impro. Trop de level pour toi, mec, j'crois qu'il y a un blème, pro. Check d'assoun est dans le game ce soir, gros. C'est que du lourd, my man. 9-1, 9-1, 9-1. Check, yo. C'est trop darois quand les sonnes passent l'auditoire. Y'a que du lourd partout sur mon 9-1 territoire. Des babes renois, prêts à faire la guerre. Et des peurs encore plus dangereux que Ben Laden. C'est ça mon 9-1, mais c'est la même partie. Tous les tiers, quart de France unis ensemble, on gagne tout. Coupe du monde, coupe d'Afrique et coupe Davis. Ceux qui dansent la tectonique ont tous la coupe à Elvis. Cherche la monnaie, Right B. Street Monopoly, kick à la folie. Fais pas le dur, si t'es foireux, holy. Check d'assoum unit, fais pas le king. Le boss. Et si le peur a c'est ton boss, on est les kings du boss. Sache-le. J'crois qu'il y a un blème, j'crois qu'il y a un blème. Qu'est-ce tu regardes, c'est quoi ton blème, gros? Ouais, gros, j'rappe ça sans l'attente, à même en impro. Trop de level pour toi, mec, j'crois qu'il y a un blème. J'crois qu'il y a un blème, j'crois qu'il y a un blème. Qu'est-ce tu regardes, c'est quoi ton blème, gros? Ouais, gros, j'rappe ça sans l'attente, à même en impro. Trop de level pour toi, mec, j'crois qu'il y a un blème. This is a Sean original instrumental. Bah ouais.